Info sur planite.be. Gréco Planite, tout pour la maison. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. En raison d'une action syndicale CGSP-RTBF menée en soutien au mouvement de grève nationale FGTB, le cours habituel de nos émissions est modifié. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. L'actualité aujourd'hui, ce sera les inondations et les tempêtes qui ont à nouveau fait beaucoup de dégâts en Belgique, la grève qui paralyse le pays et la Grande-Bretagne qui divorce de l'Europe. La procédure de divorce sera longue, elle va durer au moins 2 ans. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Toujours 2 cours d'eau en alerte de crue à l'heure qu'il est. La Dyle et ses affluents dans le Brabant wallon. La Haine et ses affluents dans la région de Mons. L'eau, la boue, le vent ont à nouveau fait des dégâts cette nuit et ce matin. À Jodogne, le centre de sport a été littéralement soufflé par ce qui ressemblait à une mini-tornade. On a évité le pire. Une 50aine de personnes étaient dans la buvette à ce moment-là. Michel Servet, Hugues Van. Au lendemain de la catastrophe, les témoins directs sont encore hébétés. Ce qu'ils ont vécu jeudi soir les a fort marqués. C'était assez choquant. Il y a des personnes qui vraiment étaient fort effrayées. Il y avait quelques enfants qui, à mon avis, vont avoir du mal à dormir pendant 2-3 nuits. Mais il y a une chance folle qu'il n'y ait aucun blessé. Vu les circonstances, je vous dis, si ça avait été la veille, il y avait un match de foot sur écran géant qui était projeté. Si ça avait été un soir normal, on était 50 dans le hall à jouer. Donc une chance folle qu'on n'ait pas de blessé. Le hall sportif avait déjà été sérieusement endommagé au passé. Donc une chance folle qu'on n'ait pas de blessé. Le hall sportif avait déjà été sérieusement endommagé au passé de Jean-Paul Wall. Ici, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Ce sont des vents d'une violence extrême, puisque des éléments extrêmement lourds de la charpente ont été déplacés sur plusieurs dizaines de mètres. Des poutres se retrouvent encastrées dans des bâtiments parfois à 10-12 mètres de hauteur. Donc il y a vraiment une puissance extraordinaire qui a simplement soufflé le hall. Le hall sportif est aujourd'hui un champ de ruines. Les experts vont devoir déterminer ce qui pourra être conservé, mais il est possible que l'on doive tout raser avant de reconstruire. À Jodogne, un homme est grièvement blessé. Il a été écrasé par un arbre qu'il était en train de couper. Ses jours sont en danger. En Hainaut, les communes d'Armigny et de Spienne, près de Mons, ont toujours les pieds dans l'eau à l'heure qu'il est. Binche a beaucoup souffert cette nuit. C'est la rivière La Princesse qui a débordé. Au moins 40-50 mètres d'eau dans la maison. Vous évacuez tout ce que vous pouvez ? Oui. Les enfants vont dormir à la maison, chez nous, et voilà quoi. C'est pas votre maison, c'est celle non, de ma sœur. Et même quand vous êtes arrivé après le gros de l'orage, c'était encore haut. Oui, oui, hein. On voyait l'eau monter, c'était phénoménal. Allez, très vite en plus, hein. Bon, les caves, je sais pas les voir, parce qu'à mon avis, elles sont pleines d'eau, les caves, hein. Là, on voit les eaux, elles sont montées certainement jusqu'à 25 cm. Là, dans ma maison, il y avait 1 mètre d'eau. Ça, bon, la sœur, on vient de faire les photos. J'ai 53 ans, j'ai jamais vu ça. Des propos recueillis par Stéphanie Van Dreck. Des inondations qui ont touché la capitale aussi. L'Atomium, par exemple, est fermé tout ce week-end. L'eau s'est infiltrée dans les caves. Le site est privé d'électricité. Pour le reste, eh bien, l'actu, c'est le pays qui a tourné au ralenti. Aujourd'hui, la grève nationale a paralysé une bonne partie des transports, des administrations. Des grandes enseignes commerciales aussi sont restées fermées, comme l'IKEA d'Ognoul, le Macro d'Aller, le Mediamarkt de Genappe, les Bastions à Tournai. La CNE, qui appelait aussi à la grève générale, parle d'un message clair à l'attention du gouvernement, même son de cloche de Marc Goblet de la FGTB. Ça montre en tout cas qu'il y a encore une capacité de mobiliser et qu'il faut il faudra bien qu'à un moment donné, le gouvernement et les employeurs comprennent qu'il y a une détermination au niveau des travailleurs et que l'appel que nous lançons, c'est qu'on entre dans une réelle concertation où on laisse l'espace à la liberté de négocier entre patrons et syndicats et qu'il n'y ait une intervention du gouvernement que s'il y a un impact budgétaire. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le gouvernement estime, comme il a une majorité parlementaire, il nous demande notre avis, mais c'est lui qui décide. Marc Goblet avec Anne Poncelet. Prochaine manifestation le 29 septembre et grève générale le 7 octobre. L'homme qui avait menacé de faire sauter City 2 reste en prison pour 1 mois. La Chambre du Conseil a confirmé ce matin son mandat d'arrêt. Pour 1 mois donc, l'homme est en aveu. Les Britanniques ont choisi de quitter l'Europe avec une courte majorité, 52%. La question est maintenant, que va-t-il se passer? Sandro Calderon, comment va-t-on négocier ce divorce? Ce ne sera ni simple ni rapide. Les Britanniques ne semblent pas pressés. Le Premier ministre David Cameron, le grand perdant de ce référendum, est hors jeu. Il démissionnera en octobre. Ce sera donc son remplaçant qui négociera avec les 27 autres pays européens. Mais son successeur pressenti, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, joue la montre. Il n'y a pas besoin de se précipiter, a-t-il déjà déclaré. À l'inverse, les dirigeants européens, eux, ne veulent pas traîner. Dans une lettre commune au ton ferme, les présidents des institutions européennes ont pressé le gouvernement du Royaume-Uni, qui doit rendre effective la décision des électeurs britanniques et lancer dès que possible la procédure de sortie. Ils se disent prêts à entamer les négociations en ce qui concerne les termes et les conditions de cette séparation. Avant d'insister, tout délai prolongerait inutilement l'incertitude. En théorie, la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait durer jusqu'à 2 ans, voire plus si ces négociations s'avèrent difficiles. Conséquence directe, les bourses ont chuté aujourd'hui. L'euro a perdu 2%. La livre sterling, elle, s'est croule à 7%. Faire ses courses en Grande-Bretagne risque de devenir intéressant. Et puis les Diables Rouges sont à l'entraînement depuis 1 heure. Entraînement à huis clos à Bordeaux dans leur camp de base. Demain 16h, ils s'entraîneront à Toulouse avant le match de samedi. On sait qui arbitrera la rencontre. Le Serbe Milorad Mazic a été désigné. Mais c'est la fin de ce journal. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. En raison d'une action syndicale CGSP-RTBF menée en soutien au mouvement de grève nationale FGTB, le cours habituel de nos émissions est modifié. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. On fait un point sur les conditions de circulation à 17h06 avec vous, Laurent Debeuf. Oui, et avec toujours cet accident qui reste d'actualité hein, et les grosses difficultés qui découlent sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain à hauteur d'Eren. Donc, deux bandes, je vous rappelle, y sont neutralisées et on a de gros embarras de circulation dans les deux sens. Mais pour vous donner peut-être une petite idée, bah, comptez 1h36 pour parcourir le tronçon entre Maas-Mechelen et Everlé. La meilleure solution, c'est encore d'éviter ce tronçon. Sur la Nationale 29, Jodogne-Charleroi, l'accès à Jodogne est très compliqué, c'est un trafic assez dense pour accéder à la ville. Ceci étant dit, on prend la direction de l'E19 Bruxelles-Mons avec des files qui ne cessent d'augmenter et qui remontent depuis Ytre jusqu'à Feluy. C'est suite à la fermeture de l'A54 vers Charleroi. Cela vous fait perdre 15 minutes en direction de Mons. Plus loin sur cet axe, cela coince une seconde fois en approche de la zone de travaux de Nîmes-Mézières avec 6 km de file et là aussi 10 minutes de perdu en direction de Mons toujours. En ce qui concerne donc le ring de Bruxelles et ses temps de parcours, bah tout ce qui est les plus conséquents, ça reste en extérieur, on va dire avec 30 minutes entre Zaventem et Grand Bigard, 36 minutes de Grand Bigard à Haut-Ytre et en intérieur, donc là le plus important c'est 34 minutes entre Grand Bigard et Zaventem, soyez patients. Justement, sachez que pour quitter Bruxelles, si vous prenez par exemple le 19 vers Anvers, eh bien sachez qu'un accident s'est produit à hauteur de Vilvorde, la bande de droite est neutralisée et cela évidemment engendre des files en direction d'Anvers. Dans le centre-ville, la communauté Coyote nous signale que ce sont les files habituelles, donc sur les différents axes du centre-ville. Sur le 40 Aix-la-Chapelle-Liège, on relève aussi de gros embarras à l'approche du chantier entre Wilkenrad et Timister. 7 km de retenue qui vous font perdre 15 minutes vers la cité ardente. La Nationale 4, je vous rappelle que celle-ci est fermée à hauteur de Pessou. C'est pour permettre les réparations suite au soulèvement de chaussée. Alors plusieurs déviations sont à votre disposition, soit la Nationale 938, la 921 ou encore la Nationale 97. Pour les usagers qui viennent du Grand-Duché qui vont vers Bruxelles, n'empruntez pas la Nationale 4, continuez sur le 411 et on va terminer avec un pneu qui nous est signalé par un automobiliste sur le 25 Neuchâtel-Liège. Il se trouve à hauteur de Arzé en bande de droite et c'est en direction de Liège. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon, il n'y a pas de 5 à 7 aujourd'hui, grève oblige, mais à 17h09, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez quand même pouvoir repartir avec des cadeaux, autant se faire plaisir quand même en cette journée. Vous allez repartir avec des paniers de la ferme dans cette émission, et puis c'est pas tout, tout à l'heure, week-end à la ferme pour 4 personnes, on en reparlera un petit peu après 18h. Alors les journées fermes ouvertes, c'est ce week-end, c'est demain, c'est après-demain, et c'est plus de 75 fermes à travers toute la Wallonie qui vont ouvrir leurs portes. C'est organisé par le ministère wallon de l'agriculture et la PACW. Vous allez pouvoir visiter ces fermes et donc repartir avec un beau panier plein de produits qui viennent de là-bas. Maintenant, si vous me dites la bonne réponse à la question que je vais vous dire tout de suite. Alors, les journées fermes ouvertes, c'est aussi l'occasion de découvrir les animaux de la ferme, les nourrir, les soigner. Et d'ailleurs, comment appelle-t-on le mâle de l'oie ? Est-ce l'oie ? C'est pareil. Est-ce le jar ? Ou est-ce le cygne ? Si vous avez la réponse, une idée de la réponse, vous me l'envoyez maintenant avec le code FERME juste avant. FERME et votre réponse au 6003 pour 75 centimes le message. Et toutes les infos, vous les retrouvez sur le www.apacw.be au cas où vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour trouver la réponse. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Vivacité, you. You. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes Don't need a sense.

Si je te dis que c'est de raver, c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez De Ravet, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. De Ravet, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison De Ravet fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Envie d'une coloration dans le respect du cheveu ? Espace Eleven à Herve vous propose les colorations et mèches à base de produits sans ammoniac. Espace Eleven, Outrecours 24 à Herve. Créons ensemble de l'émotion. Le commerce autrement, localisie.com. Localisie.com. Plus magazine. Pour moi ? Bon d'accord, j'ai 50 ans, mais à peine. Alors, refaire du sport après un pépin cardiaque. Ah oui, c'est important. Déshériter un enfant est parfois la chose à faire. Ah bon ? Plein d'idées d'escapades au bord de l'eau et sans quitter la Belgique. Oh, ça c'est pour moi. Plus magazine. Le seul magazine pour les 50 plus. Oh, il y a même un concours. 4000 euros d'articles de jardin à gagner. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 26 juin l'étape de la Calamine comme si vous y aviez participé. Avec des milliers de beaux héros escortés par David Jeanmotte et les supporters des Diables Rouges dans la communauté germanophone de notre royaume. Tchuss et tous ensemble, ce dimanche, après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Chérie, ils viennent jouer quand déjà les Stones ? Les Stones après-demain, je crois. Oula, faudrait qu'on fasse un peu de place dans le salon quand même, non ? Bon. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce mardi, jackpot de près de 30 millions d'euros. Jouez à Euromillions dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. C'est compliqué pour circuler cet après-midi à 17h29 hein, pour RTBF Mobile Info avec Laurent Deboeuf. Oui, effectivement, c'est compliqué même en plusieurs endroits. On va commencer par le 19 Bruxelles-Mons. On a toujours des files depuis Ytres jusqu'à Feluy. C'était suite à la fermeture de l'A54 vers Charleroi. Apparemment, il y a une tendance à la rouverture. En tout cas, l'arbre qui entravait la chaussée autour de Petit-Reux aurait été dégagé. Et donc, il est possible qu'on aille vers une évolution. Mais vous perdez toujours 15 minutes à l'heure actuelle en direction de Mons. Et je vous rappelle que plus loin, vous allez rencontrer de nouveau des difficultés, mais là c'est suite à une zone de travaux à hauteur de Nîmes-Mézières puisqu'on relève encore 6 km de file et là aussi 10 minutes de perdu en direction de Mons. Du côté de l'E314 Mas-Mechelen-Louvain, la situation n'a toujours pas changé, c'est toujours de gros embarras également suite à un accident qui s'est produit à hauteur d'Eron. Je vous rappelle que le temps de parcours pour effectuer par exemple le tronçon entre Mas-Mechelen et je ne le trouve plus d'ailleurs, ça c'est bizarre, enfin bref, c'est pas grave. Mais apparemment, il y avait toujours quand même 1h30 nécessaire, donc à partir de Mas-Mechelen jusqu'à Everlay. Soyez patients. Sur la nationale 29 Jodogne-Charleroi, l'accès à la ville de Jodogne est toujours très compliqué. Du côté du Ring et ses temps de parcours, on va parler des plus conséquences. C'est certainement aux abords de Grand Bigard où cela reste le plus difficile, puisqu'en extérieur, on a par exemple 36 minutes entre Grand Bigard et Haut-Ytre, et dans l'autre sens, 38 minutes donc de Grand Bigard à Zaventem. Patience si vous êtes dans ces files. On nous signale du reste un accident justement pour quitter ce ring quasiment au tout début de l'E19 Bruxelles-Anvers à hauteur de Vilvoorde. C'est la bande de droite qui est neutralisée en direction d'Anvers dans le centre-ville. Les files journalières évidemment sur les différents axes du centre-ville. Sur le 40 Aix-la-Chapelle-Liège, toujours pas mal d'embarras aussi à l'approche du chantier de Welkenrad et Timister. 8 km de retenue qui vous font perdre 15 minutes vers Liège. Et puis la Nationale 4 Luxembourg-Bruxelles. Pour terminer, je vous rappelle que la chaussée est fermé autour de Pessou pour permettre les réparations à la suite d'un soulèvement de chaussée qui s'était déroulé hier. Il y a plusieurs déviations, soit par la Nationale 938 ou alors 921, mais également la Nationale 97. Et pour les usagers qui viennent du Grand-Duché qui se rendent à Bruxelles, ne pas emprunter la Nationale 4 et continuer sur le 411. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Courage cet après-midi si vous êtes bloqué dans les bouchons et si vous galérez pour trouver des transports en commun qui roulent. Elle est allée travailler, elle s'appelle Bénédicte, elle est avec moi au téléphone. Bonjour Bénédicte. Bonjour Cyril. Pas de grève pour vous aujourd'hui? Et non, nous avons travaillé dans un hôpital, on n'a pas trop le choix. Eh ben vous avez bien raison de continuer à bosser pour aider les personnes qui en ont besoin autour de vous. Bénédicte, tout à l'heure j'ai posé une question qui va vous permettre de repartir avec des cadeaux à l'occasion des journées fermes ouvertes qui auront lieu ce week-end, c'est ce samedi et ce dimanche. Il y a toutes les infos, je le rappelle, sur le site apacw.be. Alors la question, oui, elle concerne justement ce qu'il est possible de faire pendant ce week-end. On va pouvoir découvrir comment fonctionnent les fermes, découvrir les animaux, les nourrir, les soigner. D'ailleurs, comment appelle-t-on le mâle de l'oie? L'oie, le jar ou le cygne? Le jar, bien évidemment. Eh ben, c'est gagné, Bénédicte. C'est... Merci beaucoup, c'est super. Eh ben, ça fait plaisir. Vous repartez avec un panier avec plein de produits de la ferme, plein de produits wallons. Et il y en a des bonnes choses qui sont produites en Wallonie. Je vous envoie ça très vite à la maison. C'est certain. C'est plein de bonnes choses, la Wallonie. C'est quelque chose de... plein de punch et plein de bonnes choses, oui. Eh ben, exactement. On est bien chez nous, non? Ah oui, tout à fait. Je vous embrasse Bénédicte, je vous souhaite une bonne après-midi. En musique sur Vivacité, ça vous va? On passe de la bonne musique aujourd'hui? C'est super, agréable et c'est tous les jours, c'est la décompression après le travail pour rentrer chercher les enfants. Donc vous m'accompagnez tous les jours Cyril, voilà. Ça fait plaisir. Alors à défaut de faire l'émission normale aujourd'hui, je vous passe le meilleur de la musique. Je vous embrasse Bénédicte, à bientôt. Merci beaucoup, gros bisous à tout le monde et merci à la PAC, oui au revoir. Au revoir, la PAC W effectivement qui organise ses journées fermes ouvertes et avec qui vous allez pouvoir repartir avec un week-end à la ferme, on en reparle dans quelques minutes, un petit peu après 18h. Vestiges de gloire, douloureuse joie, vidée de l'histoire. Il était une fois un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre, toutes mes pendules. Je sais l'hôpital, mais puis-je au moins dire que ça fait mal? Je peux te dire que ça...

Le journal sur Vivacité avec Marianne Brillo. Bonsoir Marianne. Bonsoir à tous. Ils ont laissé pas mal de dégâts derrière eux. Les orages d'hier soir, les trombes d'eau, les vents violents. Le Brabant wallon touché à Jodeuil notamment, où un homme a été grièvement blessé cet après-midi alors qu'il était occupé à couper un arbre. Dans le Hainaut, à Manage, un jeune homme est mort, écrasé dans sa voiture. Et en de très nombreux endroits, les pompiers continuent ce soir de déblayer des routes encombrées. Deux cours d'eau restent en alerte de crue, la Dille et la Haine dans la région de Mons. Un de ces affluents a débordé dans le village d'Armigny. Ce n'était pas la première fois, mais jamais avec autant d'intensité. Ici, c'est brutal quand même. Ouais, c'est vraiment... Brutal, oui. Je vais en maison inondée, quoi. Le sol, l'eau, la cuisine. Ça monte de la cave. Ça monte de derrière et par devant. Donc là, on était bloqués. Quoi. On ne voit pas la commune. Les pompiers, ils ne savent rien faire non plus. La voisine, déjà plus loin dans la rue, on a dû aller la sortir tellement qu'elle avait 60 cm d'eau dans la maison. Donc à 81 ans, on a décidé de la sortir, de la mettre dans notre maison parce que c'était plus possible qu'elle y reste. Pour l'instant, on prend un peu ça avec de l'humour. Mais non, mais on est en train d'être les pieds sous eau depuis 3h du matin. Donc, Ça s'évacue quand même. Faut de la patience. Et des rues restent sous eau ce soir. Témoignage recueilli par Jérémy Gilter. Pour les riverains qui accumulent les dégâts, le risque existe d'être exclu des assurances. Pas de problème si votre bâtiment a été construit avant 2005. Après, c'est moins sûr. Wautier Robbins, le porte-parole d'Assuralia qui regroupe les sociétés d'assurance. Pour les constructions qui ont été édifiées après l'entrée en vigueur de la loi sur les calamités naturelles, là, il n'y a pas de garantie d'assurance. Donc ça veut dire que ceux qui achètent une parcelle en zone inondable et qui veulent y construire feront bien d'équiper le lotissement d'un bassin d'orage, par exemple, pour convaincre un assureur d'assurer leur bâtiment. Mais on n'a pas étendu la solidarité qui vaut parmi les autres assurés à ceux qui décideraient aujourd'hui de construire dans ce qu'on sait être une zone inondable. Le porte-parole d'Assuralia, joint par Manu Delporte à Bruxelles. L'Atomium sera fermé tout ce week-end. Les intempéries ont touché les installations techniques. Un oui à près de 52% pour sortir de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a voté. Le Premier ministre David Cameron va démissionner d'ici octobre. Les réunions s'enchaînent dans les capitales européennes. Pour le président français François Hollande, ce vote met gravement l'Europe à l'épreuve. La chancelière allemande Angela Merkel parle d'un gros coup porté à l'Union. Après plus de 40 ans, le Royaume-Uni quitte donc l'Europe, un royaume éclaté à l'inouavreille, ou en tout cas désuni, puisque l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté, eux, pour le maintien. L'Écosse, elle se sent profondément européenne. Deux tiers des Écossais ont voté pour rester dans l'Union lors du référendum. Alors, si le Royaume-Uni décide vraiment de tourner le dos à Bruxelles, elle se reposera la question de son avenir, plier bagages ou pas. Une nouvelle consultation sur son indépendance est possible. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. Si le Parlement juge qu'un second référendum est la meilleure ou la seule façon de protéger notre place dans l'Europe, il doit avoir la possibilité de le tenir dans ce délai. Et cela veut dire que nous devons agir maintenant. Du côté de l'Irlande du Nord aussi. D'ailleurs, le parti républicain, le Sinn Féin, saisit lui aussi la balle au bond. Pro-européen, il imagine une réunification de l'Irlande et veut aussi poser la question à sa population. La possibilité d'un Brexit en inquiète plus d'un. Une nouvelle frontière entre le sud et le nord de l'Irlande pourrait raviver les tensions. Le Royaume-Uni est le cinquième client de la Wallonie. La Flandre est plus exposée, avec notamment un secteur du textile fortement lié au marché britannique. Oui, il y aura un impact du Brexit sur les relations commerciales entre la Belgique et le Royaume-Uni, mais les chiffres restent incertains. Une étude parlait il y a peu de la perte éventuelle de 12 000 emplois. En attendant les véritables négociations qui ne démarreront qu'en octobre ou en novembre, un groupe d'experts va centraliser les inquiétudes des entreprises. Pas de panique, c'est le message. Les négociations sur le Brexit devraient également durer 2 ans. Vous écoutez un journal raccourci pour cause de grève générale à l'appel de la FGTB et de la CNE contre les mesures du gouvernement. La pension à 67 ans notamment, tous les secteurs ont été concernés, privé, public, les transports en commun, des zonings bloqués, des grandes surfaces fermées, des administrations à l'arrêt. Philippe Van Klersbilk est le secrétaire général de la centrale des employés. Il tire un bilan positif de la mobilisation. La date était difficile, la fin de l'année, déjà départ en vacances, etc. Mais on constate que dans le commerce, dans nos marchands, dans les hôpitaux, dans une bonne partie de l'industrie, les call centers, etc., là où on avait prévu de fermer, très largement c'est réussi. Avec par exemple les magasins Colruyt qui sont à peu près tous fermés, ce qui était à peu près jamais arrivé. La plupart des maisons de repos, les équipes se sont mises en service minimum. Et ce qui est impressionnant, moi je suis passé sur des dizaines de piquets, c'est que en fait les gens savent pourquoi ils font la grève. C'est vraiment la loi Peters, c'est de dire ce monde-là, avec une hyper flexibilité, on n'en veut pas. Alors parfois, à force d'appuyer sur un clou, il s'enfonce. C'est notre seul espoir, c'est que la surdité chronique de ce gouvernement puisse être dépassée. La prochaine action le 29 septembre avec une manifestation nationale en front commun. Un mot encore des Diables Rouges à l'heure avec une manifestation nationale en front commun. Un mot encore des Diables Rouges à l'heure. Les 23 joueurs étaient présents. Sachez que c'est un Serbe, Milorad Mazic, qui arbitra le 8e de finale de la Belgique dimanche à 21h face à la Hongrie. Merci Marianne pour ce journal et à cause de la grève, prochain rendez-vous sur l'actu, ce sera seulement à 23h. En raison d'une action syndicale CGSP-RTBF menée en soutien au mouvement de grève nationale FGTB, le cours habituel de nos émissions est modifié. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. On s'informe sur vos conditions de circulation. Quand même, c'est le RTBF Mobile Info avec Marjorie Bilot. Oui, et si certains vont du côté d'Ostende, eh bien, sachez qu'il y a 9 km de ralentissement, 20 minutes perdues depuis Alost jusqu'à Erpemer où un camion est en panne vers Ostende. Et puis, du côté de Mons, c'est plutôt de Ville-sur-Aisne jusqu'à Mons, on perd encore quelques minutes sur le 19 vers la France. Sur le ring, c'est chargé principalement entre Tervuren et Maquelone où là, vous devrez ajouter une demi-heure plus ou moins si vous allez en direction de Grand-Bigard. Sur le National 4, Luxembourg-Bruxelles, on rappelle que la chaussée est toujours fermée à Ciney suite à des réparations de la chaussée en direction donc de Bruxelles. Évitez ce secteur sur la N4 vers Bruxelles. Et enfin sur le 40 qui vient de l'Allemagne en direction de Liège, on perd là aussi une vingtaine de minutes sur 8 km depuis Eupen jusqu'à Thimister vers Liège. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et comme une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous allez repartir avec un bien beau cadeau pour terminer la semaine, pour démarrer le week-end. Je vous offre un week-end à la ferme. Ça, c'est sympa. En famille, pour 4 personnes ou avec des amis, vous allez finalement avec qui vous voulez. Ça, ça vous regarde. C'est à l'occasion des journées fermes ouvertes qui ont lieu ce week-end. C'est 25 et 26 juin. Alors, votre week-end à la ferme, vous ne devez pas le passer là ce week-end. Hein, mais c'est dans ce cadre-là que le ministère wallon de l'agriculture et la PACW vous offre ces cadeaux. Qui va repartir avec ce week-end? Ben, peut-être vous, parce que le concept est très simple. Tout au long de la semaine, vous avez joué pour repartir avec des paniers, avec des produits de la ferme, produits de ferme wallonne. Eh bien, si vous avez joué cette semaine, vous êtes déjà inscrit pour le tirage au sort qui aura lieu dans quelques minutes. Si vous n'avez pas encore joué, ben vous reste quelques instants pour vous inscrire, pour envoyer ferme, tout simplement, par SMS au 6003. Si vous êtes tiré au sort avant 19h, vous repartez donc avec ce week-end pour 4 personnes à la ferme, chez nous, en Wallonie. Vous allez pouvoir découvrir le fonctionnement de la ferme, pouvoir découvrir de façon très privatisée tous les animaux. Avec les enfants, ça peut être sympa comme week-end. Donc ferme par SMS, c'est ce que vous envoyez au 6003. Je vous souhaite bonne chance. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable. Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europeassistance.be, you live, we care. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Que demain, quand ce sera mort, nous n'en savons encore rien. Mais cet instant est mieux que ce que l'on imaginait. Que dans un jour ou deux, la vie s'écoule, cool. Quand la vie s'écoule, cool. Comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie s'écoule, cool. Quand la vie s'écoule, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. On ne sait que ces petits riens feront les grands moments. Qu'on en dira, oh putain, tu te souviens du bon temps. On se dira toujours qu'on en a pas assez profité. Alors baisons le cœur, histoire de ne pas le regretter. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. La vie c'est cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool. Nous n'en savons encore rien, mais ce moment est l'un de ce qu'on aimera penser quand ça n'ira pas bien. Nous n'en savons encore rien, mais ce moment sera loin quand on se dira, oh putain, là j'y retournerai bien. La vie c'est cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. La vie c'est cool, cool, cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool, cool, cool. La vie c'est cool, cool, cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool, cool, cool. Ce moment deviendront de grands crus auxquels on n'aurait jamais cru. N'oublions surtout pas d'en avoir dû. Let's

We'll be right back.

très un peu chaud quand même. Ah, on est contente que le week-end arrive, Fabienne. Voilà, oui, tout à fait. Et puis pas n'importe quel week-end, parce que c'est un week-end que vous démarrez bien avec des cadeaux, puisque tout à l'heure vous m'avez envoyé le code ferme au 6003. Ça veut dire que vous gagnez grâce aux journées fermes ouvertes et à la PAC W votre week-end à la ferme pour 4 personnes. C'est sympa, ça. Ah, hein, c'est super. Oui, merci beaucoup. Vous aimez la campagne, la ferme ? Oui, oui, tout à fait. Ah, qu'est-ce qui vous fait rêver à la ferme ? Bah, on peut vivre la vie de fermier pendant 2 jours pour un petit peu voir leur quotidien. Pendant 2 jours, est-ce que vous pourriez faire plus ou 2 jours c'est assez ? Je ne sais pas, vous direz ça après les 2 jours. Ah ben, on se rappelle après votre week-end alors. D'accord. Eh ben, Fabienne, en tout cas, ça me fait plaisir de vous offrir ça. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. 18h36, on reprend le programme en musique puisque cet après-midi, les programmes sont perturbés sur la RTBF. L'indécis, un décideur, je change de vie. Comme tu meurs, je suis un défi l'or, je découle les fils sans pudeur. Je suis un démineur, et bien qu'en dépit de vos ardeurs, j'amorce l'envie de l'intérieur. Je suis l'indécis, l'indécideur. D'avis, mais sans savoir, je suis un dénigreur de vos envies, de toutes mes peurs. Je suis un débris d'or, je lâche l'ennui dans la torpeur. Je suis un détonateur, je suis l'indécis, l'indécideur. Tourneur de la pensée, de nos ardeurs, je suis l'indécis, l'indécideur. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano. Je suis Marilyn, Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro. De la pensée, de nos ardeurs, je suis l'indécis, l'indécideur. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, so emotional.